Combien de milliards de dollars? Des dizaines, certainement, peut-être même plus d'une centaine. C'est l'estimation des spécialistes de l'ex-URSS, ceux qu'on appelait, du temps du régime soviétique, les kremlinologues. Et l'objet de cette estimation, c'est le trésor du Parti communiste, un trésor fabuleux, qui a disparu en même temps que s'écroulait l'Empire soviétique. 60 tonnes d'or, 8 tonnes de platine, 150 tonnes d'argent, d'innombrables diamants, selon un colonel du KGB, qui n'évoque là que les biens matériels, car l'essentiel était surtout composé de capitaux placés à l'étranger sur des comptes numérotés en Suisse, aux îles Caïmans ou dans d'autres paradis fiscaux. Une entreprise d'évasion minutieusement conduite par le pouvoir avant même que l'on entende les premiers craquements de l'URSS. En fait, disait M. X la semaine passée, c'est au tout début des années 1980 que Youri Andropov, patron du KGB puis numéro un du régime, conscient des tares de l'URSS et de son retard grandissant sur l'Occident, a envisagé cette opération. Il s'agissait pour lui de préparer l'avenir et de préserver l'élite soviétique et ses forces vives, essentiellement les cadres du KGB. Et il faut bien constater qu'Andropov a réussi sur toute la ligne. Les milieux dirigeants russes, tant économiques que politiques, sont aujourd'hui truffés d'anciens officiers du KGB, à commencer par l'hôte du Kremlin, Vladimir Poutine. Cette gigantesque caisse noire dissimulée hors des frontières de l'ex-URSS a donc permis aux oligarques et à leurs complices, tous issus de la nomenklatura, de faire main basse sur les richesses de l'Empire. Le hold-up du siècle, selon François Roche, ancien directeur de la rédaction de l'Expansion. Mais cet escamotage du trésor du PC a aussi donné lieu à de nombreux épisodes aussi mystérieux que dramatiques. Ainsi, en août 1991, Nikolai Kruchina, le directeur financier du Comité central, l'homme chargé par Gorbatchev de coordonner l'évasion du trésor, se serait suicidé par défenestration. Peu de temps après, son prédécesseur, Gergai Pavlovitch, l'imite. Puis c'est au tour de Dimitri Lisovolik, l'adjoint de Kruchina. Trois défenestrations et trois curieux suicides. Dans un instant, M. X revient sur cette épidémie de suicides. Kruchina, je vous l'ai dit, était un homme très puissant et puis aussi très précieux. Il était en effet l'un des seuls apparatchiks à connaître les numéros des comptes où avaient été déposés les capitaux escamotés. Ouais, il connaissait même un certain nombre par cœur. Hein. Oui, il était réputé pour posséder une mémoire prodigieuse. Vous avez des doutes sur la réalité de son suicide. Hein. Surtout quand, coup sur coup, deux de ses collaborateurs éprouvaient aussi l'envie irrépressible de sauter de leur balcon. Alors, ils auraient donc été assassinés. Bon, c'est ce que je pense, oui. D'accord, mais alors, pourquoi et puis par qui, hein? Pourquoi? Parce qu'ils en savaient trop. Quoi, sur ses comptes bancaires? Bien évidemment. Ils savaient surtout qui pouvait avoir accès à ses comptes numérotés. Alors, malgré ses incontestables talents, Kruchina a été sacrifié. Et remarquez-le bien, il a été défenestré juste au moment où, chez le principal adversaire de Gorbatchev, Boris Eltsine, on commençait sérieusement à rechercher la trace de l'argent disparu. Alors, il fallait donc empêcher Kruchina de révéler le poteau rose. L'ancien directeur financier aurait pu se laisser aller à quelques faiblesses. Quant à ses deux collaborateurs, ils avaient le tort d'être dans la confidence. Alors, deuxième partie de la question, qui ? Certainement des hommes de main. Ouais, peut-être, mais les commanditaires. Pour moi, il ne fait aucun doute que des gens bien placés au KGB se trouvaient derrière. Car, je vous le rappelle, au risque de me répéter, que la centrale soviétique avait orchestré la fuite du trésor du PC. Et le détail de cette magistrale opération devait être préservé à tout prix. Ouais, je veux bien vous croire, mais une chose m'étonne quand même. Vous m'avez toujours dit que le KGB était passé maître dans l'art de faire passer des assassinats pour des morts naturelles. En général, des déficiences cardiaques provoquées par des poisons très sophistiqués. Mais le KGB a aussi expérimenté d'autres techniques, des empoisonnements aux métaux lourds. Oui, des éléments radioactifs, c'est ça, hein, comme, mm-hmm. comme dans l'affaire récente de cet ancien espion, là, Litvinenko. Hein. Une technique utilisée aussi contre un banquier, mais enfin, si j'ai le temps, je vous raconterai. Oui, bon, on verra. Alors, je repense que je voulais vous dire, là, Une défenestration, c'est un peu voyant. Ah, certes, mais ça peut passer pour un suicide. Mais quand même, quand il y en a trois à la suite... C'est vrai, mais ça ne signifie peut-être simplement qu'il y avait urgence. Et puis dans le cas de Krotchina, le KGB a vraiment essayé de faire croire au suicide. On aurait trouvé dans son appartement un papier où l'apparatchik aurait écrit « Je ne suis ni un traître, ni un comploteur, je suis un lâche. » Je remarque que... Vous utilisez le conditionnel. Hein. Oui, car à part les gens du KGB, personne n'a vu ce document. Une anecdote en passant. Les Russes ont le sens de l'humour. Preuve en est, le dessin d'un caricaturiste paru dans un quotidien moscovite qui représentait devant le siège du PCUS un panneau barrant la route aux passants. Inscrit dessus, une mise en garde. Attention, chute de cadavre. Prière de changer de trottoir. C'est macabre, mais drôle. Hein. C'était d'autant plus justifié qu'à la même époque, il y aura d'autres suicides étranges. Toutefois, n'allons pas trop vite. Bien sûr. Et si vous me le permettez, revenons un peu en arrière pour bien comprendre ce qu'avaient en tête les dirigeants du KGB, qui appliquaient à la lettre près l'enseignement de Yuri Andropov. Ouais. Andropov, hein, il faut bien le signaler, qui demeure aujourd'hui encore, hein, pour tous les membres du KGB, enfin de l'ex-KGB, m'avez-vous dit. Un exemple. Et même un mentor, surtout un homme qui leur a donné les moyens de continuer à diriger le pays. Alors, je vous raconte, hein, en dehors même de cette opération qui a contribué à fournir financièrement au KGB les moyens de survivre... Sous un autre nom, quand même. Enfin, peu importe. Quand on fait partie du KGB, on y reste attaché toute sa vie, même si on n'y exerce plus aucune fonction. Et quelle que soit l'étiquette dont ce service est affublé. Et aujourd'hui, c'est... Le FSB. Hein. C'est ça. Ouais. Donc, en dehors de l'aspect purement financier, le KGB, toujours pour assurer l'avenir des siens, a aussi préparé politiquement le terrain. Mais de quelle façon, là ? Traditionnellement. C'était même l'une de ses missions. Le KGB, fidèle à ses origines policières, infiltrait les groupes oppositionnels. Ouais, ceux qu'on appelait les dissidents. Là. Pas seulement. Il pouvait aussi s'agir de mouvements nationalistes, ethniques ou séparatistes, ou encore d'organisations religieuses. Et le système était très au point. En introduisant des agents provocateurs dans ces groupes, on les conduisait rapidement à s'autodétruire. Andropov, qui préférait la carotte au bâton, avait contribué à perfectionner de façon très efficace ces techniques qui empruntaient beaucoup plus à la psychologie qu'à la brutalité. Alors, quand les dirigeants du KGB ont compris que la démocratisation était inéluctable, eh bien, ils se sont préparés. C'est-à-dire Eh bien, ça paraît assez incroyable, mais le KGB a agi minutieusement et recruté des milliers de candidats pour les premières élections libres de l'Union. Élections pour les parlements, des fédérations et les soviets régionaux. Et ça, c'est en 1990 C'est ça, oui. Ouais. Ces candidats ont concouru sous quelle étiquette alors, l'étiquette importait peu. C'est ainsi qu'on a retrouvé des créatures du KGB dans le parti prétendument libéral et démocrate de l'extrémiste Vladimir Jirinovski. Mmh. D'autres ont investi le mouvement nationaliste Pamia. Pamia, ça c'est un autre groupe d'extrême droite. Hein, nostalgique du tsarisme, oui, et qui développait une idéologie fasciste. Mais les gens du KGB ont également infiltré le mouvement démocratique. Ainsi, près d'Anatoli Sobchak, l'un des plus ardents partisans de la démocratie... C'est l'homme qui sera élu maire de Leningrad. Et hein, qui redeviendra Saint-Pétersbourg sous son mandat, oui. Eh bien, auprès de ce Sobchak, on trouve un certain Vladimir Poutine. Le KGB est donc partout. Et les candidats qu'il a promus sous différentes étiquettes seront pour la plupart élus. Toutefois, un grain de sable va bientôt gripper cette belle machine. Quoi ? L'ascension fulgurante de Boris Eltsine. Et pourtant... Eltsine est lui-même un ancien apparatchik communiste. Sans doute, mais pour réaliser ses ambitions, il a décidé de s'affranchir du parti. Il va même devenir farouchement anticommuniste. C'est exact. Et à partir du moment où il réussit à se faire élire président du Parlement de Russie en 1990, puis président de la Fédération de Russie en 1991, il apparaît évident que sa lutte contre Gorbatchev sera totale. Et se terminera par... l'élimination de l'un ou de l'autre. Hein. Et c'est un vrai dilemme pour le KGB. D'un côté, il y a l'homme qui a conduit les réformes et accompagné la transformation de l'URSS. Et jusque-là, le KGB a suivi. C'est vrai. Mais au fil des mois, Gorbi devient de plus en plus antipopulaire. Alors, jusqu'où faut-il le soutenir ? Et ne faut-il pas plutôt se tourner vers le libéral Eltsine ? En outre, au sein même du KGB, il n'y a pas d'unanimité. Il reste un clan de conservateurs, des néo-staliniens, qui sont violemment hostiles aux réformes. Et c'est ainsi qu'on s'achemine vers le putsch de 1991. Un très étrange coup d'État au cours duquel les deux rivaux vont jouer leur va-tout et tenter de se duper l'un l'autre. Mais en attendant le duel final, les affaires continuent. Les affaires continuent, a dit Monsieur X. En témoigne cet extrait du livre de Roland Jacquard, La fin de l'Empire rouge, paru chez Robert Laffont en 1992. À la veille du putsch, il régnait à Moscou une ambiance très particulière d'affairisme, où l'on voyait les apparatchiks communistes d'hier se transformer tout à coup en autant de businessmen à la mode des soviets. Tout était à vendre, or, diamants, pétrole, caviar, armes. Les plus actifs dans cette grande braderie étaient les dignitaires du parti et certains chefs du KGB ou des usines d'armement. Le trafic d'armes était un secteur privilégié du KGB. À cette fin, il avait même créé une société privée appelée ANT, abréviation russe formée des mots automation, science, technologie. Fondée à Noginsk, aux environs de Moscou, en 1986, cette structure comptait 5000 employés en 1989. Son activité consistait à exporter de la ferraille ou à échanger, entre guillemets, avec certains pays arabes du matériel militaire soviétique contre des technologies sensibles importées d'Occident en violation de l'embargo du COCOM. Selon une source soviétique, le secteur militaire constituait 60% de son chiffre. Dans son récent ouvrage « Chronique d'une chute annoncée » paru chez Flammarion, Anatoly Sobchak parle de cette affaire qu'il connaît bien en raison d'une commission d'enquête qu'il a été chargé de diriger sur ce dossier. D'après le maire de Saint-Pétersbourg, ANT était dispensé de tout contrôle douanier dans ses opérations avec l'étranger. Il précise avoir vu des documents portant sur la vente de 600 chasseurs modernes, ainsi que d'éventuelles livraisons d'uranium enrichi à un pays du Moyen-Orient. Avant de voir plus précisément ce putsch, j'irai vite, puisque c'est un thème que j'ai déjà traité avec vous il y a quelques années, souvenez-vous. Oui. Un mot. Nous avons déjà beaucoup parlé de suicide. Eh bien, à l'occasion de ce coup d'État, on va encore en compter quelques-uns. De drôles de suicides, pas moins étranges que ceux de Kroutchina et de ses collaborateurs, mais avançons. Dans l'affaire du putsch, on assiste à une double manipulation. Oui, même si on a déjà parlé précisé, là. Ben, il est certain... Je voulais laisser entendre que Gorbatchev perd peu à peu la main. Non seulement à l'intérieur de l'URSS, mais aussi à l'extérieur, où son aura commence à décliner. C'est pourquoi au KGB, on lorgne de plus en plus du côté de Boris Eltsine. Et ça débute avec un fait qu'on a trop souvent passé sous silence. Le numéro 1 de la Fédération de Russie crée son propre KGB. KGB strictement russe ? En effet. Et il n'a pu réaliser cet objectif qu'avec le soutien et les hommes du KGB confédéral. Donc des liens sont établis avec Yeltsin. Oui, même une sorte de complicité. Contre Gorbatchev, par conséquent. Et j'ajoute, ça ne nous étonnera pas que, grâce à ses nouveaux amis, Yeltsin était parfaitement au courant du putsch qui se préparait. Alors ça veut dire qu'il a laissé faire ? Parce que tout ce qui pouvait affaiblir Gorbi était le bienvenu. Et puis il espérait bien tirer les marrons du feu. Ouais, mais comment alors ? En faisant échouer le putsch. Et donc en se présentant comme l'homme providentiel capable de sauver la démocratie. Et tenez, je n'exclus même pas qu'il ait à l'occasion pris contact avec les futurs putschistes. Et ce qui me fait penser à cela, c'est que ces officiers factieux seront tous absous en 1992, dès que Boris Eltsine exercera la plénitude de ses pouvoirs. Oui, ça fait réfléchir. Et l'autre manipulation hein? Gorbatchev, bien qu'affaibli, disposait encore de bonnes sources d'informations. Et lui aussi n'ignorait pas qu'un coup d'État était imminent. Un coup qui serait perpétré par quelques officiers supérieurs et des caciques du KGB. Ces néo-conservateurs là, que vous avez évoqués. C'est exact, oui. Mmh. Ça veut donc dire qu'il aurait pu faire échec à ce putsch, Gorbatchev, avant même qu'il ne soit déclenché. Oh, très certainement, oui. Mais il ne l'a pas fait. Bien au contraire. Il a poussé ses futurs putschistes à la faute. Ça mérite une explication. Volontiers. Ouais. En juillet, donc un mois avant, il a fait courir le bruit qu'il allait procéder à une purge à la tête de l'armée et dans la bureaucratie de l'état-major. Et ça... C'était comme agiter un chiffon rouge devant un taureau. Et ça a donc précipité le putsch. Naturellement. Alors, maintenant, expliquez-moi là, pourquoi Gorbatchev a-t-il laissé faire ? D'abord parce que tous les renseignements qu'il possédait indiquaient que le gros de l'armée rouge ne suivrait pas les putschistes. Et ensuite, parce qu'il voulait se débarrasser de quelques barons qui mettaient à mal les réformes qu'il désirait entreprendre. En outre, sortant vainqueur d'une telle épreuve de force, il comptait redorer son blason. Il en avait bien besoin. Alors, si je comprends bien, et Gorbatchev et Yeltsin se sont servis des putschistes. En effet. Mais vous le savez, c'est Eltsine qui a remporté la mise en réussissant à se faufiler jusqu'au Parlement. Ouais, en se juchant sur un char. Oui, d'où il a prononcé un discours qui fera de lui le porte-drapeau de la liberté. Mais enfin, vous connaissez tout cela. Un mot alors sur ces curieux suicides qui ont suivi le putsch. Rapidement, oui. Ça commence avec Boris Pougo, le patron du KGB en Lettonie, puis ministre de l'Intérieur du gouvernement. De Gorbatchev, hein. Oui, c'est l'un des chefs du putsch. Il se donne la mort en compagnie de son épouse, officiellement pour échapper au déshonneur. Seul problème, les corps de Pougo et de sa femme ont été atteints de plusieurs balles mortelles. Alors à moins d'imaginer que les Pougo se sont tirés dessus, ça paraît quand même bizarre. Oui, effectivement. Autre suicide, hein ? Oui, celui du maréchal Akromeyev, le chef d'état-major général de l'URSS. Putschiste, lui aussi ? En effet, ce dignitaire choisit une forme de suicide qui ne lui ressemble pas. Il se pend. Ah oui, alors que traditionnellement, ce militaire aurait dû plutôt se servir de son arme d'ordonnance. Bah, c'est ce que tout le monde a pensé. Ouais. Alors, si ces deux hommes ont été assassinés, pourquoi ? Si Eltsine et Gorbatchev se sont servis du putsch avec des succès divers, il n'est pas exclu de penser que les modernes du KGB en ont eux aussi profité pour se débarrasser de quelques caciques. Ouais, mais vous n'avez aucune preuve. Hein. Ah bah, malheureusement, non. Alors la suite. Eltsine a donc gagné, et bientôt il va engager le dépeçage de l'URSS. Mais remarquez-le, ça ne plaît pas toujours. Nombreux sont par exemple les jeunes Turcs du KGB qui regrettent cette implosion. Poutine est par exemple de ceux-là. Et maintenant qu'il est installé au Kremlin, je suis sûr qu'il rêve de reconstruire un ensemble aussi prestigieux que l'ex-URSS. Et ça distend les liens noués avec Eltsine. Hein. J'en suis certain. Ça est la question du trésor du parti. Nous y revoilà enfin. Car naturellement, et je crois vous en avoir parlé la semaine dernière, chez Eltsine, où l'on est bien placé pour connaître l'organisation communiste et ses méthodes, on cherche aussitôt à essayer de découvrir ce qu'est devenu le pactole du PC. Ouais, et c'est certainement pour éviter toute indiscrétion de sa part que Krouchina est éliminé. Alors les hommes de Eltsine qui savent ou qui devinent que des sommes énormes ont été placées sur des comptes numérotés commencent à prendre des contacts avec des établissements financiers étrangers. Mais, m'avez-vous dit, hein, ils essuient de très polies fins de nous recevoir. Quant aux gouvernements occidentaux qui considèrent plutôt avec sympathie l'arrivée au pouvoir de Boris Eltsine... Oui, essentiellement, à cause de ses prises de position anticommunistes. Évidemment. Eh bien, pourtant, ils ne montrent guère d'enthousiasme à l'idée d'aider Eltsine à retrouver ce trésor. Que voulez-vous ? Il en va de la confidentialité du système bancaire. Ce système opaque qui permet de dissimuler les pots de vin. Ouais, les fameuses commissions. Et les comptes en banque de tous ces dirigeants du tiers-monde qui s'enrichissent sur le dos de leurs concitoyens. Alors ouvrir une brèche ? Non. C'est pourquoi Eltsine finit par faire appel à d'authentiques détectives. Le nec plus ultra de la profession, les enquêteurs de la société new-yorkaise Kroll International. Des spécialistes qui ne se déplacent pas à moins de quelques millions de dollars l'affaire. Et là, il y en a pour des milliards. Les détectives états-uniens se lancent donc sur la piste. Et ils se font fort de retrouver l'argent disparu en Suisse ou dans d'autres paradis fiscaux. Mais assez rapidement, ils vont baisser les bras. Ah oui, ils renoncent. Oui, et c'est le dernier espoir de Boris Eltsine qui s'évanouit. Toutefois, je vous rassure, le président russe se rattrapera. Et d'abord, personnellement, j'entends, en accumulant lui aussi une belle fortune. Mais c'est peut-être une autre affaire. En tout cas, ce renoncement de Kroll ne laisse pas d'intriguer. Surtout quand on pense aux honoraires que la société aurait touchés. Alors d'après vous, pourquoi hein ? On peut émettre plusieurs hypothèses. La première qui vient à l'esprit, c'est que les soviétiques ont réussi à la perfection leur opération d'escamotage. Alors ils n'ont rien laissé derrière eux, aucun indice, pour accéder jusqu'au trésor. Autre hypothèse. Les détectives de Kroll auraient été menacés, peut-être même achetés, mais moi je pencherais plutôt pour une troisième explication. Kroll n'a rien à refuser aux autorités états-uniennes, et il est très probable qu'à Washington, on a estimé qu'il valait mieux ne pas remuer la boue, d'autant que certains des oligarques qui avaient raflé une part du trésor étaient maintenant devenus des partenaires respectables et très impliqués dans l'économie américaine. Et il était donc déjà trop tard pour éventuellement faire le ménage. Tout à fait. Écoutez, je ne suis pas un spécialiste des affaires financières, mais je peux affirmer sans risque d'être démenti que sous Gorbatchev, les Soviétiques ont fait en sorte de s'ancrer solidement au monde occidental. C'est-à-dire D'une part, il y a ces capitaux placés à l'étranger, des capitaux accueillis très favorablement à l'Ouest, mais un tel déplacement d'argent représente aussi un risque sérieux. Si les propriétaires de ces capitaux décidaient soudain de les rapatrier, ils pourraient provoquer un véritable krach financier. Et puis d'autre part, il y a le poids de la dette. Une dette énorme, contractée sous Gorbatchev et augmentée sous Eltsine. C'est pourquoi j'ai parlé d'ancrage. Une opération très subtile menée par le KGB et qui fait que, même si on le voulait, on ne pourrait plus couper les liens. Les banquiers occidentaux sont donc pieds et mains liés. C'est exactement ce que je voulais dire. Et cette intrication est irréversible. En témoigne, par exemple, l'histoire de ce jeune oligarque, Alexander Konanikin, dont j'ai commencé à vous parler la semaine passée. Un petit rappel, peut-être ? Très vite. Konanikin est un jeune et brillant mathématicien issu du Komsomol, c'est-à-dire du mouvement de la jeunesse communiste. En 1987, avec l'argent du KGB, il crée une coopérative, puis une banque, dont, avec l'aide de son ami, le flamboyant Khodorkovsky, il fait l'un des plus importants établissements financiers de l'ex-URSS. Il va même obtenir, comme vous avez dit, privilège exorbitant, le monopole des transactions en devises de la Fédération russe. En effet. Et dans cette période où les capitaux soviétiques fuient par milliards de roubles à l'étranger, ce Konanikin occupe donc une place essentielle qui lui permet de faire sa plotte. Mais pour lui, ça ne va pas tarder à se gâter. Journaliste et chercheuse Rumiana Ugarchinska a publié en 2005 un ouvrage très documenté, KGB et compagnie à l'assaut de l'Europe. Elle y raconte en particulier les débuts d'Alexander Konanikin. À 23 ans, le jeune prodige et mathématicien avait déjà fait ses preuves. Il s'était fait virer de la faculté pour activité commerciale. Visiblement muni de la bosse des affaires, mais aussi d'un regard bleu azur et d'une gueule de gentil garçon, il profite des premiers décrets de Gorbatchev sur l'autonomie de la gestion des entreprises en 1987-88 pour fonder l'une des premières coopératives commerciales sous le couvert du Komsomol, la Ligue de la Jeunesse Communiste. Ils sont quelques dizaines durant cette période à profiter de l'aubaine avec les encouragements de la bienveillante nomenklatura qui favorisait ces structures pour légaliser l'argent du marché noir et garnissait généreusement leurs comptes, faisant de ces quelques élus des millionnaires à crédit. Le futur ami de Konanikin, Mikhail Khodorkovsky, fait également partie du lot. Avant de devenir l'une des plus importantes banques russes, la Menatep de Khodorkovsky n'était en fait qu'une coopérative du Komsomol. Les coopératives étaient en quelque sorte des laboratoires pour vérifier la faisabilité du système. Le Komsomol avait le droit d'en créer. Cette organisation préparait en fait des cadres pour les futures entreprises capitalistes du parti, avec l'argent du Parti communiste de l'Union soviétique. Cet ouvrage a été publié par Anne Carrière. Konanikin est donc au centre du dispositif mis en place par le KGB. Il dépend donc de la centrale soviétique. Il a même engagé sur ordre le chef du service étranger du KGB. Donc tout va très bien pour lui. Provisoirement, oui. Mais avec la fin de l'URSS, le climat ne tarde pas à se détériorer. Et on observe que de nombreux nouveaux millionnaires russes tombent sous les balles de tueurs. Ouais. Et qui sont les assassins? On pense évidemment tout de suite à la mafia. Oui, parce que ces fortunes fraîchement constituées suscitent des convoitises. Et des tentatives de chantage et de racket, c'est certain. Mais il n'y a pas que ça. Les hommes du KGB, qui ont permis à ces jeunes gens de bâtir leur fortune, exigent des retours sur investissement. Ah, c'est bien dit ça. Bref, ils veulent leur part du gâteau, quoi. Mais puis il ne fait pas bon leur dire non. Ça explique ces assassinats? J'en suis persuadé. Alors certains essaient de s'établir à l'étranger. Pour échapper à ces demandes insistantes. Oui, mais prendre ses distances ne suffit pas toujours à éloigner le danger. Un seul exemple, l'un de ces millionnaires, Sergueï Majarov, partenaire financier de Khodorkovsky et de Konanikin, vient s'installer en France. Ce Russe mène grand train, dépense sans compter, flambe dans les casinos et investit dans les secteurs les plus divers. Et il devient vite un familier de la jet set. Mais un soir de 1994, alors qu'il s'apprête à accueillir des invités à dîner, on sonne à sa porte. C'est un commando de tueurs qui ouvre aussitôt le feu au pistolet mitrailleur à travers une vitre blindée. Oui, blindée, quand même. Et Majarov est tué ? Oui. Pourtant, blindé, hein ? Il semblait avoir pris ses précautions. Oui, mais ça n'a pas suffi. Alors revenons à Konanikin. Lui, il a préféré payer, se délester d'une partie de sa fortune et même de sa banque, avant de partir pour Budapest, puis aux États-Unis, où il obtient très rapidement l'asile. Là, il crée une banque, filiale de son ancien établissement. Ah, c'est un signe qu'il n'a pas rompu avec ses partenaires de l'ex-KGB, ça. C'est exact, et ça lui vaut d'être aussitôt dans la ligne de mire de la CIA. Car les combines en usage en Russie passent mal aux États-Unis. Les agents américains essaient donc de le piéger, mais Konanikin est prévenu à temps. Et pas par n'importe qui, c'est Aldrich Ames qui lui permet d'échapper à ce piège. Attendez, Aldrich Ames, la taupe américaine au sein de la CIA. Qui était un espion de Moscou depuis plus de 20 ans, oui. Ames qui, lorsque le KGB a été dissous, s'est aussitôt mis au service de son successeur. En tout cas, Konanikin s'en sort, abandonne la banque, se lance dans des activités sur Internet et obtient en 2003 le prix du meilleur entrepreneur. Prix qui lui est remis par le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger. Ce qui veut dire que maintenant cet ancien Golden Boy est devenu un acteur important de la vie économique outre-Atlantique, malgré son passé. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Et Konanikin n'est qu'un exemple. Dans l'économie mondialisée, tous ces communistes milliardaires ou millionnaires, grâce au KGB, ont trouvé rapidement leur place et se sont fondus sans aucune difficulté. Eux et leur fabuleux pactole, bien sûr. Le fameux trésor du PC. Cependant, ces célèbres oligarques demeurent sous surveillance. Les hommes de l'ex-KGB veillent au grain. Et s'il le faut, ils reprennent les choses en main. Poutine en fait une démonstration éclatante en faisant emprisonner l'un des plus connus, Mikhail Khodorkovsky. Et en le dépouillant de sa fortune et de son empire pétrolier. Un autre, Berezovsky, après avoir été l'un des soutiens les plus fervents de Boris Eltsine, a préféré quitter la Russie dès que Poutine, l'ancien cadre du KGB, s'est emparé du pouvoir. Et puis, il y a eu, je vous l'ai dit, tous ces assassinats de banquiers perpétrés au mi-temps des années 90. Mais autant d'avertissements destinés à rappeler à ces nouveaux riches qui étaient les vrais maîtres du pays. Oui, et beaucoup de ces assassinats, 170 au total, portaient à l'évidence la marque du KGB et du service qui l'a remplacé, le FSB. L'exemple le plus démonstratif est celui du financier Ivan Kiviledi. Plus précisément, qui est celui-là ? Ou qui était-ce, voulez-vous dire ? Car ce Kiviledi est mort dans des circonstances très curieuses en 1995. Kiviledi, petit-fils d'un commerçant grec installé en Abkhazie avant la révolution d'octobre, a fait d'excellentes études. Il est même passé par Cambridge, avant de devenir homme d'affaires et banquier en Russie. Et assez vite, il devient l'un des hommes les plus riches de la fédération. Mécène, il est aussi très proche de Boris Eltsine, qui le recrute dans son conseil des entrepreneurs. Et puis il s'occupe également de presse et de politique. Ah oui, c'est une personnalité influente. Très influente, oui. On parle beaucoup de lui dans les journaux et on le voit très souvent à la télévision. Mais le 1er août 1995, Kiviledi, qui est alors à son bureau, est victime d'un grave malaise. Il suffoque et on doit le conduire de toute urgence à l'hôpital. Diagnostic. Les médecins pensent d'abord à un infarctus, bien que les symptômes ne soient pas évidents. Puis après avoir pratiqué des analyses, ils trouvent des calculs biliaires et surtout un œdème du cerveau. Un cas pratiquement désespéré. Oui, mais ce qui est surprenant, c'est que sa secrétaire doit être hospitalisée dès le lendemain et elle présente des symptômes semblables à ceux de son patron, plus des troubles qui peuvent faire penser à une crise d'épilepsie. Et dès le lendemain, elle décède. Ah oui, dès le lendemain. Et qui lui dit, lui Il meurt un jour plus tard. Inutile de vous dire que dans le petit monde de la finance, ce double décès provoque une grande émotion. D'autant, m'avez-vous dit, que Kiviledi n'était pas le premier homme d'affaires à perdre la vie aussi brutalement. Mais j'imagine, quoi, quand même essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Bah, il s'agissait clairement d'un empoisonnement. Mais les autorités policières et judiciaires n'ont semblé guère pressées de faire la lumière sur cette affaire. Pourtant, c'était gravissime. Car écoutez bien, deux fonctionnaires chargés d'inspecter le bureau du banquier ont été à leur tour intoxiqués. Et le médecin légiste chargé d'analyser le foie de Kiveldi est tombé malade et il est mort un mois après. Le poison, si poison il y avait, devait donc être redoutable. Mais malgré de nombreuses expertises, il n'a jamais été identifié avec certitude. Substances organophosphorées, sels de métaux lourds, cadmium radioactif, on ne sait pas. Ou plutôt, on n'a pas voulu le révéler. Quoi qu'il en soit, le mode d'administration du poison a été découvert. Une toute petite goutte de poison déposée sur le combiné du téléphone. Avec la chaleur de la tête et de la main, cette substance dégageait des vapeurs mortelles que la victime inhalait malgré elle. Une technique très sophistiquée. Hein. Et qui n'avait pu être mise en œuvre que par un laboratoire lui-même très sophistiqué. Ouais, ça rappelle un peu ça, ce qui est arrivé à Londres tout récemment, là. À l'ancien agent secret, Litvinenko. Hein. L'année dernière, oui. Ouais. Et là aussi, on a beaucoup parlé des services russes. Oui, mais alors, dans le cas de Kiveldi, pourquoi a-t-on voulu le liquider, celui-là? Peut-être faisait-il partie de cette fournée de banquiers et d'hommes d'affaires à qui l'on voulait donner des avertissements. Mais il existe aussi une autre hypothèse assez crédible. Etzin, qui n'avait toujours pas renoncé à retrouver la trace du trésor disparu du PC, lui aurait confié la tâche d'enquêter. Donc, attendez, ses nombreuses relations, enfin, ce qui lui est dit, là. Oui, sa très bonne connaissance des petits et des grands secrets de la vie politique russe. Kiveldi aurait-il été sur le point de découvrir des éléments tangibles permettant d'incriminer l'ancien cadre du KGB? C'est très possible. Et on l'a liquidé avant qu'il ne devienne trop dangereux. En 1996, Hélène Blanc, une grande spécialiste de l'URSS et de la Russie, et Renata Lesnik, ont publié aux presses de la Cité « L'Empire de toutes les mafias ». Elles évoquent naturellement l'histoire de Kiveldi et elles affirment que ces assassins avaient envisagé aussi d'éliminer le premier ministre de Boris Yeltsin, Viktor Tchernomyrdine. Sans doute, mais elles ne disent pas, parce que celui-ci aurait reçu les confidences du banquier. Je leur laisse la parole. Viktor Tchernomyrdine, lui-même, ignore le nombre des victimes de ces règlements de compte. Impossible de se les rappeler toutes. En 3 ans et demi, 84 attaques à main armée, et les statistiques ne prennent en compte que les cas officiellement enregistrés, ont été perpétrés contre des banquiers. 46 d'entre eux sont morts. Partout en Russie, la chasse est ouverte à Moscou et à Saint-Pétersbourg, à Rostov-sur-le-Don comme à Nalchtik, à Kazan comme à Suapey. La liste serait trop longue, les représentants d'autres corporations abattues se comptent par milliers. En réalité, ce sont surtout les derniers assassinats de Kantor et de Kiveldi qui obsèdent Tchernomyrdine. D'abord à cause de la manière dont on les a éliminés. Le premier, décapité. Le second, empoisonné. Empoisonné, si les rumeurs entourant le décès subit de Viktor Barnikov, l'ex-ministre de la Sécurité d'État, s'avéraient fondées, il s'agirait alors de 3 disparitions très particulières. Quoi qu'il en soit, le plus alarmant est que ces meurtres ont été commis après la sortie de plusieurs publications où Tchernomyrdine, en personne, était désigné comme l'ennemi numéro 1 à abattre. Enfin, je vous recommande la lecture d'un livre d'Arkady Vaxberg, paru récemment en France aux éditions Buchet-Chastel, « Le laboratoire des poisons », un ouvrage passionnant qui recense les utilisations du poison par les services secrets depuis 1917.